Deuxième acte. Le même jour, 9h du soir, la fenêtre et la porte du fond sont ouvertes sur la nuit. Une admirable nuit de septembre pleine d'étoiles. Seuls sont en scène Olivier, Bernard et Francine. Olivier est assis sur le rebord de la fenêtre. Il regarde avec obstination vers le dehors et de temps en temps, il tambourine nerveusement de ses doigts sur les vitres. Un silence d'abord, puis... Olivier. Qu'est-ce qu'il fabrique, bon Dieu ? Bernard. C'est couillon de faire des coups pareils. Francine. Bernard. Bernard. Quoi ? Oh, je t'en prie. Ce n'est pas le moment de venir m'embêter avec les convenances, Olivier. Quelle heure est-il ? Bernard. 9h passées. Olivier. Et ils sont partis après le déjeuner. C'est insensé à la fin. Francine. Pourvu qu'il ne leur soit rien arrivé. Olivier. Penses-tu ? Elle se paye notre figure, c'est tout. Bernard. Il ne pouvait pas le convoyer tout seul ? Le camion qui est venu chercher son zinc ? Olivier. Oh ! Mais ça ne se passera pas comme ça. C'est moi qui vous le dis. Bernard. Elle n'avait qu'à lui prêter la Peugeot. Pas besoin de l'accompagner. Olivier. Et l'amour ? Qu'est-ce que tu en fais ? L'envie d'être seul avec l'objet de leurs amours. Bernard. Comment leurs amours ? Olivier, haussement d'épaule. Enfin, il y a une chose que je ne pige pas, moi, dans cette histoire. Francine, quoi donc, Olivier ? C'est comment elles ont pu le prévenir que nous restions seuls. 2 heures avant, on ne le savait pas nous-mêmes. Francine, mais elles ne l'ont pas prévenu. C'était combiné entre eux depuis longtemps. Olivier, tu crois, Francine ? Fallait bien trouver un moyen de nous le présenter. Et pas seulement à nous, aux paternaux aussi. La preuve, c'est qu'elles ont fait des pieds et des mains pour qu'ils s'installent ici. Jusqu'à ce que son avion soit réparé, Bernard. Quand je pense qu'elle voulait lui donner ma chambre. Ma chambre, Olivier. Alors pourquoi est-ce qu'elles nous en ont parlé d'avance de ce type ? Valait beaucoup mieux ne rien dire. Bernard. Pardon, ce n'est pas elle. On les a forcées d'en parler, c'est pas la même chose, Olivier. Mais quand il s'est amené, elles avaient l'air pétrifiées, voyons. Plus que nous encore. Francine. Elles sont très fortes, Olivier. C'est ça, admire-les. Francine. Je ne les admire pas. Mais si Marianne aime vraiment ce garçon, Olivier. Non, elle ne l'aime pas. Francine. Pourquoi, Olivier ? Parce qu'elle ne l'aime pas. Francine. Ça te gêne qu'elle l'aime ? Olivier. Moi ? Je m'en fous inexprimablement. Bernard. On ne le dirait pas, Olivier. De quoi tu te mêles, toi ? Bernard. J'ai le droit de parler, dis donc. Olivier. Alors, adjugez, elle l'aime, bon, d'accord, elle l'aime, elle l'adore. Après tout, moi, je ne suis pas chargé de surveiller Marianne, n'est-ce pas ? Elle a un père, Marianne. Et quand son père n'est pas là, elle a Bernard. Francine. Oh, Bernard. Bernard. Quoi ? Oh, Bernard, Olivier. Naturellement, Bernard. Il est plus jeune qu'elle, c'est entendu, mais il me semble qu'il a quand même son mot à dire, non ? Bernard. Parfaitement, j'ai mon mot à dire. Olivier. Ah, Bernard. Je ne sais pas lequel, d'ailleurs, mais je le lui dirai. Olivier à Francine. Seulement, je te ferai remarquer que dans le coup, il n'y a pas que Marianne, il y a Pernette. Francine. Pernette. Bernard. Comment Pernette ? Olivier. Et elle a à peine 15 ans, Pernette. Tu penses ? Une mioche, absolument, Bernard. Qu'est-ce que Pernette vient faire là-dedans ? Olivier. Et une mioche innocente, qui ne sait rien de la vie, toujours dans ses nuages. Bernard. Bon, et alors, Olivier ? Quoi, et alors ? Et alors, je ne laisserai pas toucher à ma petite sœur, c'est tout. Francine. Qu'est-ce que tu racontes, Bernard ? C'est Marianne qui est amoureuse de l'aviateur, c'est pas Pernette, Olivier. Tu l'as trouvée naturelle, Pernette, aujourd'hui ? Tu l'as trouvée comme tous les jours ? Bernard. Mon Dieu, coup-ci, coup-ça. Olivier. Ah, tout de même, si bouché que tu sois, Bernard, bouché toi-même, c'est bien normal qu'avec ce coup qu'elles nous ont monté, elles soient un peu nerveuses. Olivier. Admettons. À Francine. Qu'est-ce que tu as, toi ? Tu ne dis plus rien ? Francine. Je t'écoute. Olivier. Très flatté. Conclusion ? Francine. Conclusion. J'estime que si tu étais logique avec toi-même, tu aurais dû empêcher Pernette de partir en promenade. Olivier. Quoi ? Bernard. Évidemment, Olivier. Ça, ce n'est pas ma faute. Bernard. C'est la faute de qui ? Olivier. La tienne. Bernard. La mienne ? Ah ben ça c'est un monde par exemple, Olivier. Naturellement, si tu avais seulement eu l'idée d'empêcher Marianne, moi j'aurais empêché Pernette. Mais tu n'étais même pas là quand ils ont décidé de partir. Au fait, où étais-tu ? Bernard. Dans ma chambre. Et qu'est-ce que tu y faisais dans sa chambre ? Tu travaillais peut-être ? Oui, c'est-à-dire que... Que quoi ? Que je dormais un tout petit peu. Alors, on est en train de séduire ta sœur et tout ce que tu trouves à faire c'est de dormir. Ça y est, il y avait longtemps que tu ne m'avais pas engueulé. Oh, mais j'en ai marre, moi, à la fin. Je ne suis pas ton tototon, tu sais. Mon tototon. Oui, oh, tu peux faire le mariole. En attendant, tu verras comme je vais lui parler, moi, à l'aviateur, Olivier. Tu lui parleras si tu veux, mais à ton tour, c'est-à-dire après moi. Bernard. Très bien, très bien. Francine, vous n'êtes pas un peu piqués tous les deux, non ? Olivier, pourquoi ? Francine, qu'est-ce que vous lui direz ? Voyons, Bernard, oui, qu'est-ce que nous lui dirons, Olivier ? Nous lui dirons que nos sœurs sont des filles comme il en existe encore quelques-unes et que nous n'admettons pas qu'elles aillent se balader toute la journée avec un type que nous ne connaissons pas, Francine. Tu lui diras ça, toi ? Olivier, oui, je lui dirai ça, moi, Francine. Mais tu vas te couvrir de ridicule, mon pauvre ami, Bernard. Pourquoi de ridicule, Francine ? Parce qu'ils ont peut-être eu tort de s'attarder, mais il n'y a pas de quoi fouetter un chat, Olivier. Ah, tu trouves, Francine ? Sans compter que bon gré mal gré, ce garçon est notre invité et que... Olivier, ça, je m'en balance, alors, Francine. Et tes idées sur la liberté sexuelle, qu'est-ce que tu en fais, Olivier ? Ce qu'il me plaît. Nous avons décidé que nous lui parlerions et nous lui parlerons, Bernard. Bravo, parfaitement, Francine. Oh, bon, bon, faites ce que vous voulez, je vous aurai averti. Après tout, moi... Klaxon lointain d'automobile, Olivier. Les voilà. Il court vers la fenêtre, les autres le suivent. Bernard, ils sont sur la petite route, Francine. Enfin, Olivier. Qu'est-ce qu'on fait, Bernard ? Quoi, Olivier ? Oui, faut pas qu'on ait l'air de les attendre, ni rien. Ils seraient trop contents, Bernard. Tu parles, Francine. Alors, Olivier, l'indifférence absolue, Francine. C'est ça, Olivier, le détachement. Francine, parfait. Bernard, la serrée. Olivier termine en même temps que lui. Nité, voilà. Klaxon plus proche, Francine. On fait un lexicon, Olivier ? Oui, vite, vite. Il s'installe. Et donne-nous des liqueurs, on fera semblant d'avoir déjà dîné, Francine. Sans eux, Olivier ? Justement, Bernard. Mais alors, on ne mangera pas, Olivier ? Non, Bernard. C'est que je meurs de faim, moi, Olivier. Bois un peu de fine, ça te calera. Klaxon très proche. Allez, maniez-vous, à Bernard. Coupe. Alors, c'est bien compris. À la première occasion, vous me laissez avec lui, je lui dis ce que j'ai à lui dire pour Pernette, et après, ce sera Bernard, pour Marianne. Francine, encore une fois, je trouve ça idiot et grossier. Olivier, t'occupe pas, Bernard. Moi, c'est surtout la question du dîner qui me préoccupe. Klaxon très fort et répété, des voix, des rires. Francine, ils sont là, Olivier. À toi, Bernard, Bernard. Je peux pas jouer, j'ai pas de voyelle. Olivier, eh bien, pioche, Bernard qui pioche. C'est embêtant. À ce moment, entre Marianne, Pernette et Michel. Ils sont tous les trois très gais, mais les filles le sont un peu trop. Marianne. Bonsoir, monsieur, dame. Pernette. Et toute la compagnie. Michel, bonsoir. Olivier, Francine et Bernard qui font semblant d'être complètement absorbés par leur jeu. Soir. Pernette. Vous voyez, je vous l'avais bien dit qu'il ne serait pas inquiet. Olivier. Et de quoi vouliez-vous donc que nous fussions inquiets ? Marianne. De nous, figure-toi, Olivier. Vous n'êtes plus au berceau. Michel. En tout cas, moi, je me sens un peu coupable. Je vous dois des excuses. Pernette, mais voyons jamais de la vie, Michel, c'est nous au contraire qui... Michel, non, non, je tiens à prendre toutes les responsabilités. Francine, mais pourquoi ? Il est donc si tard ? Quelle heure est-il ? Pernette, 9h30. Francine, déjà, pas possible. Olivier, mince alors. Bernard, ce que le temps a vite passé, c'est formidable. Marianne, qu'est-ce que vous avez fait, Olivier ? Je ne sais pas, des tas de choses, hein, Francine. C'est fou, Olivier. On n'a pas arrêté de rigoler, Francine. Oui, il y a longtemps que je n'avais pas ri comme ça. Bernard, ça fait un bien. Michel, ah, tant mieux, je suis très content. C'est vrai, j'avais à la fois des remords et des regrets. Des remords de vous avoir enlevé Pernette et Marianne, des regrets que vous ne fussiez pas avec nous. Il ne me reste que les regrets. Olivier, trop aimable, gardez, gardez. Michel, ils sont un peu moins vifs, voilà tout, puisque vous vous êtes amusé aussi, Bernard. Vous êtes amusé, vous, Pernette ? Si nous nous sommes amusés. Mais je n'ai jamais passé une journée comme celle-là, moi, c'est bien simple. Marianne, moi non plus. Olivier, même à Versailles ? Marianne, même à Versailles. N'est-ce pas, Pernette ? Pernette, oui, Michel. Vous connaissez Versailles ? Olivier, oh, pas nous, non, non, non, pas du tout. Montrant Marianne et Pernette, mais ces demoiselles, vous ne les y avez pas rencontrées par hasard, au printemps dernier ? Michel, mais c'est que j'aurais très bien pu, figurez-vous. Ma famille s'y est installée depuis 6 mois à Versailles. Moi, j'ai gardé un pied-à-terre à Paris, naturellement, mais mes parents préfèrent Versailles. Olivier, sait-on ne peut plus intéressant. Michel, oh, intéressant, non. Amusant tout au plus. Pourquoi intéressant ? Olivier, mais pour rien du tout. Pernette, pour changer l'atmosphère, se laissant tomber dans un fauteuil. Ouf ! Je suis claqué, par exemple. Ce grand air qui vous tape dans la figure, Marianne, on a fait du 130 tout le temps, avec ce clou, c'est un record. Michel, vous aimez la vitesse ? Marianne, j'adore, Michel. Je vous ferai faire du 800 en avion, si vous voulez, Marianne. Je comprends que je veux, Pernette. Et moi aussi, je veux, vous m'emmènerez aussi, Michel, n'est-ce pas ? Marianne à Pernette. Non, non, toi, tu as tout le temps peur, c'est assommant. Pernette, moi j'ai peur ? Ça dépend avec qui ? Pas avec Michel, on se sent si tranquille, si sûr. Olivier, oui, à part les ruptures de tuyauterie, on doit se sentir très sûr. Michel, vous voyez qu'on s'en tire quand même. Olivier, oh, vous vous en tirez merveilleusement. Il suffit de bien calculer où la tuyauterie doit péter et ça devient enfantin. Michel, comment ? Olivier, non, rien, vous ne pouvez pas comprendre. Il rit, Francine et Bernard pouffent et ils sont pris tous les trois d'un fou rire nerveux. Michel, ça doit être très drôle, évidemment. Olivier qui peut à peine parler. Plus que vous ne croyez. Bernard, c'est ça, le charme. Fou rire redoublé. Michel, mais qu'est-ce qu'ils ont, Marianne ? Laissez, Michel, ce sont des malheureux. Fou rire, Bernard. Quel crétin, alors ? Francine qui parvient à se reprendre. Oh, que c'est bête, Marianne. Tu peux le dire, Francine. Vous avez dîné ? Bernard, bien sûr. Bernard qui, du coup, ne rit plus. Comment ? Vous avez dîné ? Marianne, oui, oh, dans un endroit magnifique. À Michel, vous voyez comme j'ai eu raison d'insister. Vous ne vouliez pas, vous, Michel. Aux autres, au bord de la Vienne, une espèce de guinguette marrante, où les bonnes viennent danser le dimanche. On nous a servi une de ces fritures. Bernard, une friture ? C'est drôlement bon, les fritures. Bernette à Bernard. Et une omelette aux champignons, mon vieux, tu t'en serais fait mourir, Bernard. Ah oui, aux champignons ? Francine à Bernard. Cuisine, oui, dirait-on pas qu'on a si mal dîné ici, Bernard. Oh, je ne dis pas ça. Non, pour ce qui est d'avoir bien dîné, j'ai même très bien dîné, mais... Olivier, mais quoi, Bernard ? C'était peut-être un peu lourd, Olivier. Alors bois un peu de fine, c'était pas tant pour la digestion. Michel, épatant, vous avez raison. Les paysans boivent de l'alcool au milieu des repas de noces pour pouvoir continuer. Ils appellent ça faire un trou. Bernard qui boit. C'est exactement la sensation que j'éprouve. Un vrai trou. Olivier, tu vois, c'est admirable. Allez, donne les cartes, Francine. Où était-elle, votre guinguette ? Marianne. Du côté de l'Oisy, Francine. Il y avait du monde ? Pernette. Non, Marianne. Nous étions complètement seuls, Pernette. C'était merveilleux. On a dansé au piano mécanique. Ah, Michel. Je me rappellerai toujours cette valse, Michel. Laquelle, Pernette ? Celle qu'on a dansée ensemble. Quand je voudrais me souvenir de cette promenade, je n'aurais qu'à me rappeler cet air-là, Marianne. Comment était-ce déjà ? Bernette chantonnant. Tra-la-la, la-la-la, la-la. Marianne, c'est ça. Et après, Michel. Attendez. Se mettant au piano, jouant la valse et chantonnant aussi. Tra-la-la, la-la-la, la-la. Olivier. Ah, crotte, écoutez, il n'y a plus moyen de réfléchir. Marianne. Oh, fiche-nous la paix avec ton lexicon des familles, tu veux ? Continuez, Michel, continuez. Michel, Pernette et Marianne. Tra-la-la, la-la-la, la-la. La-la. Pernette. Na-na-na, na-na-na, pareil. Oh, je ne me rappelle plus les paroles. Marianne. Mais si, voyons, attention, Michel, on reprend, en chœur. Et ils se mettent à chanter tous les trois, ce qui a pour effet d'agacer prodigieusement les autres. Puis Michel continue à jouer en fredonnant. Marianne prend Pernette dans ses bras et se met à la faire valser. Tout à coup, elles s'aperçoivent elles-mêmes dans une glace et elles s'arrêtent aussitôt. Marianne, eh bien j'en ai une tête. Pernette, oh et moi. Marianne, mais je suis laide à faire peur. Pernette, moi aussi. Marianne, je vais me refaire une façade. Pernette, moi aussi. Marianne, et puis je ne veux plus me voir avec cette robe-là, je vais me changer. Pernette, moi aussi. Olivier, il y a de l'écho ici. Francine, vous allez vous changer à cette heure-ci ? Marianne, ben quoi, il est très tôt. Michel, restez donc comme ça, vous êtes parfaite, voyons. Marianne, parfaite, mais ça n'existe pas parfaite. Nous voulons être foudroyantes. Elle va pour entrer dans sa chambre. Olivier, tout simplement, Bernette, tout simplement. À Marianne, je vais m'habiller chez toi, chérie, tu veux ? Se tournant vers Michel, continuez à jouer, Michel. J'adore vous entendre jouer. Elles sortent affectueusement et gracieusement enlacées. Michel se met à improviser une sorte de charmant pot-pourri d'airs à la mode. Olivier à mi-voix, complètement cinglé. Francine, eh bien, c'est à toi, Bernard. Bernard jouant, S-F-I-O. Olivier, non, ça ne marche pas, Bernard. Pourquoi ? C'est français, on dit toujours, c'est un S-F-I-O. Olivier, c'est une abréviation, ce n'est pas un mot, Bernard. Oh, bon. Alors, fils, Olivier jouant. S-O-S, j'ai fini, Bernard. Ah, ben non alors, Olivier. Pourquoi, Bernard ? S-O-S aussi, c'est une abréviation. Olivier qui fait des signes à Bernard pour qu'il le laisse seul avec Michel. Non, SOS est devenu un mot. Je regrette. Prends le dictionnaire. Bernard. Oh, naturellement. Pour lui, c'est toujours la même. Olivier lui fait des signes désespérés. Quoi ? Olivier. J'ai gagné, je te dis. Bernard qui comprend enfin. Ah oui, si c'est devenu un mot, alors. Francine se levant. Bernard, tu viens rentrer les transats ? Bernard. Oui. Il se lève et avale son verre de fine. C'est fort. C'est très bon, mais c'est très fort. Michel à Francine. Voulez-vous que je vous aide, Francine ? Non, merci, ne vous dérangez pas. Elle sort suivie de Bernard. Michel. Ça ne vous ennuie pas, cette musique, Olivier ? Olivier, je vous en prie, au contraire. Imitant Pernette, j'adore vous entendre jouer, Michel. Michel, blagueur. Olivier, mais pas du tout, vous jouez très bien. Michel, vous savez que je n'ai jamais appris. Non. Si, si, ce sont mes doigts qui marchent tout seuls, d'instinct. Pas possible. Oui, oui, c'est très rigolo, j'ai une mémoire, comment dirais-je, kinesthésique et même synesthésique. Olivier, et ça ne vous fait pas trop mal ? Michel, il n'y a pas moyen de causer sérieusement avec vous. Olivier, croyez donc pas ça. Il y en a des façons d'être sérieux, vous savez. Michel, oui, vous avez peut-être raison. C'est sans doute une question d'atmosphère, de ton. Moi qui n'ai ni frère ni sœur, je ne me rends jamais compte. Mais ça doit être épatant d'avoir poussé comme vous, là, tous ensemble. Olivier, oui, ça dépoétise. Ah ? Olivier, forcément, on se voit jusqu'au fond. Surtout chez les filles, c'est crevant. Tenez, ma sœur Pernette, par exemple. Oui, elle est très nature, elle remarquait. Mais en ce moment, elle imite Marianne parce que comme ça, elle croit qu'elle fait la femme. Michel et Marianne ? Oh, Marianne, c'est une autre histoire. Elle, il n'y a rien à faire, faut qu'elle excite les hommes. C'est une allumeuse. Vous exagérez. Moi ? Ah, eh ben. Michel, quoi ? Elle est un peu coquette, c'est naturel. Olivier, appelez-le comme vous voudrez, moi j'appelle ça une allumeuse. Parce que quand ces messieurs sont bien énervés, on en prend un plus frais et on recommence. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, d'ailleurs. Michel, si, si, ça m'intéresse. Olivier, ah, ça vous intéresse ? Michel, enfin. Olivier, alors, mon cher, ce que j'en ai connu de ces pauvres types qu'elle a rendus idiots. Et sans but, hein, pour le plaisir de les faire chialer, fallait voir, navrant. D'ailleurs, c'est pas compliqué, il y en a dont elle a brisé la vie. Mais pourquoi ? Elle n'a pas de cœur ? Oh, si. Alors ? Ah, voilà. Quoi donc ? Il y a un secret. Lequel ? Ce qui est embêtant, c'est que lorsqu'on le connaît, on n'a plus qu'à s'en aller. Michel, elle aime les femmes ? Olivier, vous êtes fou ? Ah, bon, Olivier. Non, c'est un homme qu'elle aime. Un seul, toujours le même, depuis 2 ans, Michel. Et il l'aime aussi ? Olivier, ben, sans doute, je suppose, je n'en sais rien. Ce qui est certain, en tout cas, c'est son amour à elle, celui-là ou personne d'autre, et c'est marre. Alors le reste peut bien soupirer, tortiller du derrière et tout, elle s'en fout comme de sa première fessée. Michel, souriant, d'autant qu'ici, ce sont les autres qui la reçoivent, Olivier. Exactement, Michel. Et cet homme qu'elle aime ? Olivier, ah ça, je ne peux pas vous dire qui c'est, je n'ai pas le droit. Oui, oui, bien entendu, mais... Olivier, mais c'est un type très bien. Ah, oui. Tant mieux pour elle. Bien sûr. Seulement, depuis que je connais le système, j'avertis les gens. Ça lui apprendra à jouer avec les sentiments. Non, sans blague, c'est dégueulasse, vous ne trouvez pas ? Les hommes se doivent une certaine solidarité quand même. Michel, ils se la doivent, mais ils ne se remboursent jamais. Vous ne pensez pas que j'ai raison ? Michel, je pense surtout que vous vous faites des illusions. Sur quoi ? Sur l'efficacité de ces renseignements préventifs. En principe, ça ne sert jamais à rien. Sauf exception, bien entendu, Olivier. Ça existe, les exceptions ? Sans doute. Ainsi, tenez, prenons-moi comme exemple. Oui, nous parlons en camarades, n'est-ce pas ? Olivier, voyons. Michel, eh bien, quand j'ai ouvert la porte ce matin, des 3 jeunes filles qui étaient là et qui toutes les 3 sont charmantes, il y en a 2 qui m'ont frappé tout de suite. Qui ça ? Votre sœur et Marianne. Olivier, Pernette aussi ? Autant que Marianne ? Michel, comment autant ? Mais à ce point, mon cher, que l'on m'aurait dit de choisir entre elles, je ne l'aurais pas pu. Cet après-midi, je les ai emmenées toutes les 2. Exprès pour ça ? Exprès pour ça. Nous avons passé toute une journée ensemble. Eh bien, tout à l'heure, en rentrant, on m'aurait de nouveau obligé à choisir. Impossible. Impossible de dire laquelle je préférais. Mais maintenant que vous m'avez raconté toutes ces histoires sur Marianne... Olivier, plein d'espoir. Oui, hein ? Vous m'avez éclairé. N'est-ce pas ? Il n'y a plus à hésiter. Olivier, pardi. Michel, l'une présente un intérêt que l'autre n'a pas. Olivier, c'est évident. Michel, je prends Marianne. Olivier, comment ? Michel, enfin, quand je dis je prends, c'est une façon de parler. Olivier, Marianne. Oui, vous me comprenez. Olivier, non. Vous n'êtes pas d'accord ? Mais non, je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord du tout. Michel, vous me surprenez. Olivier, comment ? D'un côté, vous avez une fille fraîche, neuve, simple, profonde, entière, spontanée, et qui vous plaît, vous me l'avez avoué vous-même. Michel, oui, mais de l'autre, mon cher, une fille qui aime quelqu'un depuis 2 ans et qui s'amuse à faire souffrir ceux qu'elle n'aime pas. C'est vous-même qui me l'avez appris. Olivier, eh bien, Michel, fidèle et coquette à la fois. Olivier, et c'est elle que vous choisissez ? Michel, il n'y a rien de plus excitant. Olivier, mais non, d'un chien, Pernette est aussi jolie que Marianne, plus jolie même. Michel, sans doute. Olivier, elle a un cœur tendre, soumis, une âme claire. Michel, justement. Olivier, vous ne savez pas ce que vous perdez. Michel, on ne peut pas tout avoir. Olivier, quand Pernette se livre un peu, on l'écouterait pendant des heures. Elle a une vision du monde qui vous enchanterait, Pernette. Flirter avec Pernette, mais ça doit vous réconcilier avec l'existence. Michel, je préfère me battre. Olivier, je vous disais que Pernette avait une âme claire. Eh bien non, ce n'est pas ça, je me suis trompé. C'est une âme mystérieuse qu'elle a. Peut-être, Olivier. Elle vous fait rire à force de voir des choses que personne ne voit. Seulement on rit pour ne pas montrer que ça vous bouleverse. Michel, qu'est-ce que vous allez chercher, Olivier? Mais je vous le jure, quand on est seul avec elle, on ne peut plus avoir les mêmes sentiments. On ne peut plus employer les mêmes mots. Avec Pernette, je ne sais pas, moi, l'amour, ça doit se réinventer. D'ailleurs, on ne lui résiste pas. Elle vous emmène avec elle, dans son monde, à elle, dans ce monde qui n'appartient qu'à elle, Michel. Mais vous en parlez comme un amoureux, mon cher. Heureusement qu'il s'agit de votre sœur. Olivier, ne dites donc pas d'ineptie, Michel. Et vous prétendez que ça dépoétise de pousser ensemble? Qu'est-ce qu'il vous faut? Olivier, vous ne me croyez pas. Michel, mais si je vous crois, Olivier. Tenez, j'ai une photo d'elle sur moi. Elle est fantastique, cette photo, parce que son visage a l'air d'être éclairé par le dedans. C'est formidable. Vous voulez la voir? Je veux bien, mais... Mais quoi? Vous ne vous rendez pas compte d'une chose, mon vieux, en ce moment? Ah oui? C'est que vous êtes en train de me jeter votre sœur dans les bras, tout simplement. Qu'est-ce que vous dites? Je pensais bien que vous aviez des idées larges, mais à ce point-là, je n'aurais pas cru. Olivier, vous ne parlez pas sérieusement, j'espère. Michel, et vous? Quoi? Michel, je suis très touché de votre sollicitude, remarquez. Olivier, ah, vous n'allez pas vous ficher de moi en plus, hein, Michel? Mais cette sollicitude, je la trouve d'autant plus excessive que je repars dans 4 jours. Dans 4 jours, oui. Et vous avez la prétention de vous faire aimer en 4 jours? Non, je prendrai mon temps. Comment? Je la reverrai. Vous la reverrez, le plus souvent possible. Et c'est à moi que vous venez dire ça? Naturellement, oui, pourquoi? Et vous croyez que je vous laisserai faire? Mais mon vieux, c'est vous-même. Alors, vous arrivez chez des gens que vous ne connaissez pas, qui vous donnent l'hospitalité, et votre premier soin, c'est de détourner les filles de la maison? Michel, vous vous méprenez absolument, il ne s'agit pas de... Il s'agit de quoi alors? Vous ne vous rendez pas compte que c'est ignoble ce que vous avez fait aujourd'hui? Ce que j'ai fait, qu'est-ce qui vous prend? Vous pensez peut-être que nos parents ne le sauront pas, que vous avez profité de leur absence pour emmener Pernette et Marianne vadrouiller avec vous toute la sainte journée? Et qu'est-ce que nous leur raconterons, nous, à nos parents? Vous y avez songé à ça? Mais il n'y a rien de mal là-dedans. Rien de mal. Qu'est-ce que j'en sais, moi, s'il n'y a rien de mal avec un type comme vous? Ah, Olivier, vous, aujourd'hui c'est Marianne. Vous dites que c'est Marianne. Et puis demain ce sera Pernette. Du train dont vous y allez, pourquoi pas? Et vous vous imaginez que je vais vous laisser mettre vos mains sales sur ma petite sœur, par hasard? Olivier, je ne vous permets pas de... Je m'en fous, moi, que vous soyez aviateur. Des aviateurs à la gomme dans votre genre, ça ne m'impressionne pas, vous savez. Ah. Et puis ne me dites pas que vous les avez connus à Versailles, surtout. Parce que ce n'est pas une excuse, Versailles. Au contraire, c'est même le commencement de votre voyouterie, Versailles. Versailles. Versailles, oui, Versailles, Versailles, Versailles. Vous ne comprenez pas le français? Pas le vôtre, en tout cas, de moins en moins. Ah, vraiment? Et l'abordage dans la rue, la Ferrari, le foulard rouge, le baptême de l'air, les baisers dans le parc, ça ne signifie rien non plus, peut-être. Michel, mais vous êtes complètement cintré, mon vieux. Mais pourquoi continuez-vous à crâner, puisque je suis au courant? Je sais tout, je vous dis. Je vous dis que je sais tout. Tout quoi? Vous m'embêtez à la fin. Olivier, que vous êtes un salaud, le dernier des salauds, et que ce n'est pourtant pas commode parce qu'il y a de la concurrence. Michel, écoutez, mon vieux, vous me mettez dans une situation impossible. Je suis chez vous, et après, cette scène est grotesque, j'ai beaucoup de patience, c'est entendu, et après, mais il y a déjà 5 bonnes minutes que j'aurais dû vous flanquer mon poing à travers la figure. Olivier, 5 minutes, vous avez de la chance, moi il y a des heures que j'ai envie de vous casser la gueule. Bernard rentra en courant. Vas-y, Olivier, moi aussi je vais lui casser la gueule. Olivier à Bernard, ôte-toi de là, toi. Bernard, jamais de la vie, Olivier. Ôte-toi de là, je te dis. Bernard, non, moi aussi, je veux lui casser la gueule. Olivier flanquant une gifle retentissante à Bernard. Veux-tu sauter de là, nom de Dieu? Bernard sautant sur Olivier. Cochon! Michel se précipitant entre eux pour les séparer. Ah ça, mais vous êtes sous tous les deux, c'est pas possible. Olivier et Bernard se débattant à Michel. Voulez-vous nous lâcher, vous? Je vous défends de le toucher. Mêlez-vous de vos affaires, vain Dieu. Est-ce que ça vous regarde? Allez-vous me lâcher à la fin? Voulez-vous enlever vos pattes? Michel, qui d'une violente et double poussée est enfin parvenu à les séparer. Et vous, allez-vous rester un peu tranquille? Oui, sale gosse. Olivier et Bernard tombant à bras raccourcis sur Michel. Nous, sale gosse, chameau, fumier, crapule, saloperie, Michel. Ah, vous l'aurez voulu! Et ils roulent par terre tous les trois, renversant tout, vociférant comme des bêtes. On n'entend plus que des voix mêlées qui hurlent. Tranquille, tu vas voir, saligot, la payer cher. Ah, tu es aviateur, faire son affaire, tiens-lui les jambes, une fois pour toutes, tonnerre de Dieu, etc. À ce moment, les portes de droite, premier et second plan, s'ouvrent brusquement, et Francine d'une part, Marianne et Pernette de l'autre, accourent affolées. Francine, Marianne, Pernette se jetant dans la bagarre. Michel, Olivier, Bernard, mais vous êtes fous, mais qu'est-ce qui se passe? Arrêtez, voyons, mais c'est abominable! Michel se remet rapidement debout, puis aussitôt, Olivier et Bernard, qui écument de fureur et veulent de nouveau s'élancer sur Michel. Les trois filles s'accrochent à eux. Olivier, Bernard, laissez-nous, mais allez-vous-en, je me charge de le dérouiller, je te dis. Mais laissez-nous donc, laissez-nous, mais laissez-nous. Les trois filles, presque en même temps qu'eux. Quoi, quoi? Vous n'allez pas recommencer, c'est de la folie furieuse, enfin. Francine à Michel, je vous en prie, Michel, allez dans votre chambre. Olivier, c'est ça, qu'il y aille dans sa chambre, perdra rien pour attendre. Bernard, voleur, pignouf, ordure. Francine lui flanque une gifle. Bernard, oh! Olivier, pied plat, grand lâche, couillon malade. Bernard, voulez-vous vous taire? Voulez-vous vous taire? Bernard, moi j'ai dit que je lui casserai la gueule et je lui casserai la gueule. Michel à Francine, il mérite tout de même une petite leçon, vous savez. Olivier, une leçon, une leçon. Mais laissez-nous, bon sang, laissez-nous la lui flanquer sa volée à ce fœtus, à cette épidémie. Francine à Michel, vous voyez bien qu'ils ne sont pas dans leur état normal. Impossible de les calmer si vous restez là. Michel se dirigeant vers l'escalier et montant rapidement. Vous avez raison. Olivier, il a les foies, l'aviateur. Bernard, va donc, foireux. Michel s'arrête. Bernard et Marianne, oh, oh. Francine et Michel, Michel, je vous en supplie. Michel disparaissant, à tout à l'heure. Olivier, tu parles à tout à l'heure. Marianne, vous n'avez pas honte, Olivier. Et toi, Marianne, moi, Olivier. Oui, toi, toi, à Bernard. Et toi aussi, espèce de paillasson que vous êtes, vous n'avez pas honte, Pernette? Qu'est-ce que tu dis, Francine? Ah, ne l'excitez pas davantage, vous autres. Pernette, tu crois que je vais me laisser traiter comme ça? Marianne, s'il doit se conduire comme une guape, qu'il s'en aille. Mais pas ici, pas ici. Pernette, et ça voudrait devenir ambassadeur? Marianne, mais il y aurait la guerre au bout de deux jours. Olivier, ah, je vous prie de mettre un bouchon, hein? Bernard qui s'affaisse sur une chaise. Ah, Francine, qu'est-ce qui t'arrive? Marianne, tu es blessé? Bernard, oh! Oh, oh là là, Bernette. Ben quoi, parle, parle, qu'est-ce que tu as, Bernard? J'ai mal au cœur. Marianne, bien fait, Francine, manquait plus que ça. Bernard, oh, oh, ce que j'ai mal au cœur. Il va vers la porte du fond soutenu par Francine. Francine à Olivier, c'est encore ta faute, ça aussi. Olivier, quoi, Francine? Si tu ne l'avais pas fait boire? Marianne, ah, ils sont bien, nos frères, il n'y a pas. Olivier fonçant dans sa chambre, oh merde, merde, merde. Il referme sa porte avec la dernière violence. Pernette, Olivier! Elle se jette dans un fauteuil en sanglotant. Mais c'est épouvantable! C'est épouvantable, Marianne. Ah non, non, tu ne vas pas te mettre à pleurer, toi, à présent. Je suis assez énervé comme ça, Pernette. Mais c'est épouvantable, voyons. Il va s'en aller, il va sûrement s'en aller. Après un scandale pareil, il ne peut plus rester. Marianne, mais si, Pernette. Et s'il s'en va, qu'est-ce que je vais devenir, moi? Je ne le reverrai pas, je ne le reverrai jamais. Marianne, qu'est-ce que tu racontes? Bernette, toi, tu as ce que tu voulais. Il est jaloux de toi, Olivier. Ça y est, tu le sais qu'il t'aime maintenant. Mais moi, moi, quoi, toi? Moi, c'est lui que j'aime. C'est lui. Qu'est-ce que tu veux que je fasse s'il s'en va? Marianne, tu aimes Michel? Bernette, tu ne l'as pas senti tout de suite que je l'aimais? Marianne, dis donc, dis donc. Eh bien, et moi, alors? Qu'est-ce que je deviens dans tout ça? Bernette, comment? Marianne, il est à moi, Michel. Bernette, à toi, Marianne. Qui est-ce qu'il a inventé, Michel? Et pour qui on l'a inventé? Pour toi ou pour moi? À qui est-ce qu'il appartient, Michel? Bernette, mais à personne, il ne s'agit pas de celui qu'on a inventé, il s'agit de celui qui est là, de celui qui est venu. Marianne, c'est la même chose. Bernette, la même chose. Marianne, oui, puisqu'il en est venu un qui ressemblait au mien, c'est moi qui suis amoureuse de lui, pas toi. Bernette, mais pas pour de vrai, pour le faire croire à Olivier, ça oui, c'est comme ça que ça a été convenu. Marianne, on n'a rien convenu. Bernette, oh, Marianne, on n'a rien convenu du tout, il n'existait pas à ce moment-là. Bernette, mais puisque tu aimes Olivier, tu ne peux pas aimer Michel et Olivier à la fois. Marianne, oh, Olivier, quoi? Je l'aime de moins en moins, Olivier. Tu n'aimes plus Olivier? Presque plus, non, plus du tout même. Enfin, je n'en sais rien, peu importe, la seule chose qui compte pour l'instant, c'est Michel. Bernette, ah, tu ne vas pas dire que tu veux me le prendre, Marianne. Et pourquoi non, Bernette? Tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit, Marianne. Ah, elle est violente, celle-là, par exemple. Pas le droit, Bernette. Marianne, Marianne, tu ne me feras pas ça. Tu sais bien que moi, je ne peux pas plaisanter avec une chose pareille. C'est la première fois que ça m'arrive. Quand je l'ai vu dans la porte ce matin, il m'a semblé que mon cœur s'arrêtait de battre. Marianne, connu, tu m'as déjà dit quelque chose comme ça. L'amour pour toi, c'est une embolie. Bernette, ne me le prends pas, Marianne. Fais semblant de tout ce que tu voudras vis-à-vis d'Olivier. Je comprendrai tout, mais laisse-moi me faire aimer. Marianne, qui t'en empêche? Bernette, tu es plus belle que moi. Tu es une femme, toi. Si tu ne m'aides pas, c'est toi qui l'aimeras. Marianne, je l'espère bien. Je t'en supplie. Non! Marianne, chacune sa chance, ma vieille, tous les coups sont permis. Bernette, ah moi, Marianne, je ne saurais pas jouer à ce jeu-là, vois-tu. Moi, je n'ai pas le courage, moi, je n'ai pas la force, je suis trop petite. Si tu me le prends, je me tuerai. Paraît Francine. Marianne, oh, ça suffit pour ce soir, les folies, tu ne trouves pas? Bernette, je me tuerai, je le ferai, Marianne, je me tuerai, Marianne. Eh bien, si ça t'amuse, ne te prive pas, ma petite, ça bon débarras. Bernette, Marianne. Elle tombe évanouie sur le canapé. Francine qui se précipite. Bernette, Bernette, mon chéri, voyons. Marianne, t'inquiète donc pas, c'est une douche dont elle a besoin. Francine, tu es fière de toi, oui? Marianne fonçant à son tour dans sa chambre. Oh, la barbe, la barbe, la barbe! Francine. Père Net, mon petit. Michel apparaissant sur le palier. Eh bien, ils sont calmés? Il aperçoit Père Net étendu. Qu'est-ce qu'il y a? Père Net est souffrante? Francine. Allez-vous-en. Michel. Mais Francine, allez-vous-en, je vous dis. Allez-vous-en. Rideau. Troisième acte, premier tableau. 3 heures plus tard environ, il est un peu plus de minuit. La porte du fond et les volets de la fenêtre sont fermés. La scène est plongée dans l'obscurité. Tout semble dormir. Soudain, la lumière se fait en coulisses à la hauteur du premier étage et l'on voit apparaître Michel portant à la main une petite valise. Il marche avec précaution, descend l'escalier à pas feutrés, puis se dirige vers la porte du fond. À cet instant, une lampe s'allume. Père Net était là qui guettait. Michel s'arrête, saisi. Qu'est-ce que vous faites là? Père Net, vous voyez, je vous attendais. Michel, vous aviez deviné que j'allais partir? Oui, je suis intelligente, hein? Je peux être fier. Sans doute. Et vous, vous êtes fier de vous? Moi, pourquoi? Père Net, parce que j'avoue que j'aurais préféré me tromper, quitte à passer la nuit dans cette pièce. Michel, mais je n'ai rien d'autre à faire qu'à m'en aller, Père Net. À cause de cette dispute ridicule tout à l'heure? Évidemment. Père Net, ça ne vous est jamais arrivé de vous chamailler avec des gens? Vous appelez ça se chamailler? Et puis de vous raccommoder avec eux le lendemain matin? Avec des gens que je connais depuis longtemps, peut-être, mais... Père Net, vous vous rappelez cette phrase que vous avez dite en voiture cet après-midi? Laquelle? Nous en avons dit quelques-unes de phrases cet après-midi. Vous avez dit « Rien n'est plus précieux que de ne pas attacher d'importance aux choses qui n'en ont pas. » Michel, c'était une citation. Père Net, vous aviez l'air de le penser. Michel, se taper sur la figure, vous trouvez que ça n'a pas d'importance, vous? Pas avec des gosses, nous sommes tous plus ou moins gosses ici. Mais alors les garçons, c'est fou. Vous les avez vus, enfin. Ah, ça, je les ai vus, je les ai même reçus. Michel, je ne veux pas que vous partiez. N'insistez pas, mon petit, je vous en prie. Vous avez été des amours avec moi, vous, Marianne et même Francine. Père Net, eh bien, ça ne vous suffit pas? On s'en fiche des garçons, on n'est pas attachés avec une membrane, tant pis pour eux. Je ne peux pas rester contre leur gré, voyons. En voilà une histoire. On a parfaitement le droit d'avoir un ami sans leur approbation. Et puis à la fin, qu'est-ce que ça prouve, toute cette affaire? On m'a toujours dit que chez les garçons, les amitiés, ça commençait chaque fois par des coups de poing. Alors? Michel souriant. Si on vous l'a dit. Père Net. D'un autre côté, vous êtes d'avis que c'est chic, vous, cette espèce de sauve-qui-peut? Je ne vous aurais pas guetté. On entrait dans votre chambre demain et on ne trouvait plus personne. Très joli, très délicat. Michel. J'ai laissé une lettre en haut qui... Père Net, une lettre? Ah, s'il y a une lettre. Michel, oui, pour vous expliquer que... Père Net, je n'avais pas songé à la lettre. Bravo pour la lettre, mes compliments pour la lettre. Michel, vous riez, mais... Père Net, eh bien, je ne ris plus. Vous fichez le camp au milieu de la nuit comme si vous aviez quelque chose à vous reprocher. J'estime que ça manque d'allure, que voulez-vous, vis-à-vis de nous tous, mais surtout vis-à-vis de Bernard et d'Olivier. Pourquoi ça? Mais parce que vous parlez d'un triomphe. Comment un triomphe? Ce que nous allons déguster... Vous? Et vous vous imaginez que ce sera commode de vous défendre par hasard? Mais que voulez-vous que je fasse? Vous êtes inouï, écoutez. Vous ne vous rendez pas compte que je suis dans une situation absurde, moi. Exactement. Père Net, ainsi vous partez. C'est décidé. Michel, oui. J'aime mieux ne pas les revoir. Oh, bien, bien. Après tout, je ne sais plus quoi vous dire, moi, comme vous voudrez. Au revoir, Père Net. Ne partez pas, Michel, non. Non, non, attendez, ne partez pas tout de suite, au moins, je vous en supplie. Restez un petit peu avec moi, ici, vous ne pouvez pas me refuser ça tout de même. Michel, mais non, voyons, avec joie, naturellement. Vrai? Mais bien sûr. Oh, merci, Michel. Tenez, venez vous mettre là. C'est ça, posez votre valise, je l'ai en horreur, votre valise. Michel, vous ne craignez pas qu'on nous entende? Père Net, et après, où est le mal? J'ai le droit de causer avec vous. Vous n'êtes pas fatigué? Moi, pas loin du monde. Il dénoue son foulard. On étouffe, hein? Attendez, je vais ouvrir les volets. Elle va à la fenêtre, ouvre les persiennes. Ce qu'elle est noire, la nuit. Elle est belle, mais ce qu'elle est noire, malgré les étoiles. Michel, oui. Père Net. Vous n'avez jamais réfléchi, vous, Michel, à tous les trésors qui se cachent dans la nuit, comme s'ils étaient tombés au fond de la mer? Quel trésor? Les fleurs, les arbres, les couleurs qui sont là, à attendre le jour, Et tant que le jour n'est pas arrivé, ils sont inutiles. Même les formes, on dirait qu'elles changent pour vous faire peur. D'ailleurs, moi, j'ai plutôt peur de la nuit. On a du mal à se protéger. Quand il y a du soleil, c'est déjà pas facile, mais alors la nuit... Je ne comprends pas. Contre quoi voulez-vous vous protéger? Contre tout? C'est vague, ça. Bernette, contre les 10, par exemple. Michel, qu'est-ce que c'est que ça, les 10? Une société secrète? Bernette, non. Enfin, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'ils m'en veulent. Vous rêvez? Pas du tout. Ils sont invisibles, naturellement, mais ça n'empêche pas qu'ils existent. Michel, les lutins aussi, pendant que vous y êtes. Bernette venant se rasseoir par terre. Peut-être. Moi, je ne connais que les 10. On vous racontera que je suis maladroite, que je ne sais pas me servir de mes mains, que je casse tout, que je ne retrouve jamais rien, que je ne salue pas les gens dans la rue, que je n'écoute pas quand on me parle, etc., etc. Eh bien, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ma faute, ce sont les 10. Michel, pourquoi diable les appelez-vous les 10? Bernette, mais parce qu'ils sont au moins 10 pour me faire tout ce qu'ils me font. Il faut être bien portante pour leur résister. Michel, comme vous êtes charmante, Bernette. Bernette, moi, vous êtes bête. Non, mais ça ne vous étonne pas, tous ces gens qui ne se posent jamais de questions sur rien. Moi, je n'arrête pas de me poser des questions. Même quand je dors, je crois que je me pose encore des questions. Michel, et vous y répondez? Oh, les réponses, c'est autre chose. Si on savait répondre, ce serait trop beau. Et puis non, après tout, c'est mieux comme ça. Vous me trouvez ridicule, hein? Michel, vous êtes folle. Bernette, oui, je suis peut-être folle, au fond. Si je vous disais les idées que j'ai quelquefois, c'est tellement idiot. Dites, vous allez vous moquer de moi. Aucune envie, je vous assure. Eh bien, par exemple, je me demande tout d'un coup ce que deviennent les larmes que l'on ne verse pas. Ou bien, je me mets à penser que si les arbres savaient d'avance les voyages que font les mâts de navires, peut-être bien qu'ils aimeraient le bûcheron. Des choses dans ce goût-là, enfin. Vous voyez qu'on n'est pas plus idiots. Si vous voulez, plus tard, je vous raconterai tout ce qui me passe par la tête. Oui. Bernette, je peux la mettre là en attendant? Quoi donc? Ma tête. Elle met sa tête sur le genou de Michel. On est bien. Vous êtes bien, vraiment? Oui, et vous? Michel, très bien. C'est tout de même vrai que vous possédez un monde à vous, un monde qui n'appartient qu'à vous, et que vous y emmenez les gens sans qu'ils s'en aperçoivent. Bernette, pourquoi dites-vous c'est tout de même vrai? Vous avez parlé de moi à quelqu'un? Michel, moi, non, pas du tout, non, c'est que j'ai pensé à vous. Bernette, menteur. Michel, je vous promets, et c'est vrai aussi, que quand on est seul avec vous et que vous vous livrez un peu, on n'éprouve plus les mêmes sentiments que d'habitude, qu'on a peur d'employer les mots de chaque jour et qu'on vous écouterait pendant des heures. Bernette lui prenant son foulard, c'est pour ça que vous voulez me quitter. Mais ne partez pas, Michel, tout s'arrangera demain, vous verrez, ne partez pas. Si vous saviez ce que vous êtes devenu pour moi si vite, ne partez pas. Michel, bon, ben c'est entendu, je ne partirai pas. Bernette, Michel. Michel, mais c'est vraiment pour vous, je vous le promets. Bernette, et pas un petit peu pour vous? Oh, si, pour moi aussi. Bernette, alors? Je ne vous fatigue pas? Michel, non. Bernette, dites-moi que je vous fatigue. Pourquoi donc? Parce que je suis trop bien. Si quelqu'un venait, on ne trouverait tout de même pas ça naturel. Elle se redresse. Michel, personne ne viendra. Bernette, non, je ne dois pas, je vous assure. Il ne faut pas se sentir trop bien. Michel, vous n'allez pas me quitter? Si. Déjà? Bernette, vous me jurez que vous ne vous en irez pas? Michel, c'est juré. Juré. Bernette, donnez-moi un gage. Un gage? Bernette, oui. Donnez-moi votre valise, tenez. Votre sale petite valise. Michel, prenez-la, je vous l'abandonne. Bernette, et maintenant, souhaitez-moi bonsoir, vite. Très vite. Michel, j'ai l'impression que c'est vous qui vous en allez à présent. Bernette, oh moi, vous ne risquez rien. Elle va vers la porte de sa chambre. Michel, bonne nuit, Bernette. Bernette, oh, j'en suis sûr. De quoi donc? De ma nuit? Je ne vais pas fermer l'œil. Non, Bernette. Eh bien, c'est ça le charme. Vous êtes drôle. Elle sort. Il reste un instant immobile, puis il allume une cigarette et s'assied dans un fauteuil. La porte du fond s'ouvre. Entre Marianne. Michel se retournant au bruit de la porte. Vous étiez sorti? Oui. Pourquoi faire ? Histoire de me calmer. Il y a longtemps ? Une heure environ. Et vous allez mieux ? Oui. Et vous ? Michel, moi aussi. Je me suis refroidi un tout petit peu. Marianne, de quelle manière ? Michel, une recette à moi, j'ai dormi. Quoi ? Sans blague. L'exaspération me donne toujours sommeil, je dors une demi-heure et je suis guéri. Marianne, je voudrais bien être comme vous, moi qui ne peux pas rester en place. Vous n'avez revu personne ? Non, à part Pernette, que j'ai aperçue. Quand ça ? Tout à l'heure. Comment était-elle ? Très bien. Tiens. Michel, qu'est-ce qu'il y a ? Marianne, elle est allée se coucher ? Je crois, oui, certainement. Et elle ne vous a rien dit ? Que voulez-vous qu'elle me dise ? Je ne sais pas. Elle est tellement exaltée, cette petite. Oh, et puis ne parlons plus de Pernette, je vous en prie. Michel, c'est ça, parlons de vous. D'où venez-vous comme ça, toute seule ? De Bonneuil. Mais vous avez galopé, pas possible. J'ai marché vite, oui. Pourquoi ? Vous aviez peur ? Peur ? De quoi ? Michel, de l'obscurité, de la solitude, des revenants. Marianne, vous êtes fou, peur, moi ? Je n'ai jamais peur de rien. C'est un sentiment que je ne connais même pas. Michel, ainsi, vous n'avez peur de rien et vous ne faites que ce que vous voulez. Marianne, quand cela dépend de moi, naturellement. Et vous n'avez pas de regrets ? Non. Pas de remords non plus ? Oh, des remords, si, mais c'est agréable, les remords. C'est joli, les remords. Michel, c'est à la mode, en tout cas. Ça se porte énormément cette année. Marianne, il suffit de savoir les porter. Michel, vous devez savoir. Marianne, ce que c'est bon de dire des bêtises. Michel, surtout quand on les pense. Marianne, ah non, vous ne croyez pas que je les pense. Michel, enfin si, je l'espère. Marianne, ça ne vous choquerait pas une légèreté pareille ? Michel, non. Du reste, il faut bien accepter les défauts de ceux qu'on aime et les qualités de ceux qu'on n'aime pas. Marianne, et vous m'aimez suffisamment pour accepter mes défauts ? Avec reconnaissance. C'est vrai que quand on connaît les défauts des gens, ça permet d'en faire ce qu'on veut, n'est-ce pas ? Michel, c'est un pouvoir qui n'est pas négligeable, en effet. Marianne, extrêmement séduisant, même. Michel, oui. Et ce qui est surtout épatant dans le pouvoir, quel qu'il soit, c'est qu'on a le droit d'en abuser. Marianne, vous abusez de votre pouvoir sur les femmes, vous ? Mais il n'est pas question de moi. Vous en abusez souvent ? Qu'est-ce que vous allez chercher ? C'est ça, faites un peu le modeste, rougissez pour voir, là, c'est ravissant. Michel, dites que je suis cruel pendant que vous y êtes. Marianne, non, ça je ne crois pas. Vous êtes probablement de ces hommes qui rompent les premiers, mais vous avez sûrement la frousse de faire de la peine, comme tous les vrais égoïstes d'ailleurs. Ah, parce que je suis égoïste. Je vous vois d'ici. Michel, qu'est-ce que je prends, Marianne ? Vous devez avoir l'air de... Michel, de quoi, mon Dieu, vous m'effrayez, Marianne ? D'un bourreau à qui la guillotine ferait perdre la tête. Michel, eh bien, et vous ? Vous êtes impitoyable ? Marianne, oh, moi, je n'ai pas d'expérience. Michel, on ne s'en douterait pas. Marianne, voulez-vous être poli ? Ou alors, vous avez une intuition qui remplace largement l'expérience. Ça vous déplaît ? Non, mais j'avoue qu'il y a une chose qui me stupéfie. Laquelle ? Olivier m'avait pourtant averti, remarquez. Olivier ? Olivier vous a parlé de moi ? Oui. Pour vous avertir de quelque chose ? Oui. Et de quoi ? De votre coquetterie. Olivier vous a dit que j'étais coquette ? Terriblement. Et vous l'avez cru ? Non. C'est encore heureux. Et qu'est-ce qu'il vous a dit encore ? Oh, rien. Ça. Que vous vous amusiez à faire marcher les hommes et que vous ne leur accordiez jamais rien. Que je ne leur accordais jamais rien ? Oui. Et que je faisais marcher les hommes, moi ? Oui. Chameau. Quoi ? Ce n'est pas vrai ? Continuez, continuez, je vous ai interrompu. Vous disiez qu'Olivier vous avait pourtant averti, mais que pour moi, vous n'en représentiez pas moins la jeune fille, l'incarnation même de la jeune fille. Ça peut paraître bête, c'est pourtant comme ça. Merci. Et alors ? Et alors, c'est la première fois que nous sommes seuls, tous les deux, un peu longtemps. Et depuis que je bavarde avec vous, là, j'ai la sensation que je ne suis pas du tout devant une jeune fille, mais devant une femme extrêmement armée, au contraire. Marianne, oui, c'est exact ce que vous dites. Moi non plus, je ne me reconnais pas, figurez-vous. Je m'écoute parler, et c'est comme si ce n'était pas moi. Vous voyez. Ça n'empêche pas qu'Olivier vous a menti. Oh, ça, je suis tout prêt à le croire. Mais c'est peut-être que pour la première fois, j'ai le sentiment que je dois me défendre. Michel, je ne vous ai pas attaqué. laissez-moi finir, que je dois me défendre de moi-même. Non, ce n'est même pas ça. C'est encore plus vague que ça. Michel, en voilà des idées. Venez vous mettre près de moi, tenez. Non. Ben, je croyais que vous n'aviez peur de rien. Oh, ce n'est pas que j'ai peur. C'est quoi? C'est que j'en ai envie. Eh bien, faites-le. Marianne qui se met à côté de lui. Enfin, je crois que j'en ai envie. Michel passant son bras autour d'elle. Vous n'en êtes pas sûr? Non. C'est de la coquetterie ou de la sincérité, ça? C'est de la sincérité. Je ne sais plus ce que je veux. Michel, pauvre être à l'abandon. Marianne, ne riez pas, c'est grave. Grave? Ben oui, le cœur, c'est grave. Pourquoi? Il était pris, votre cœur? Oui. Et il ne l'est plus? Ne me posez pas de questions. Michel, vous ne croyez pas que c'est un peu sot de vouloir toujours que l'amour soit une tragédie? Marianne, ce n'est pas nous. Il s'en charge tout seul. Michel, quelle blague. Marianne, oh, vous, bien sûr. Vous passez 4 jours à Bonneuil, après vous filez Dieu sait où. Et si on ne se revoit pas, quelle importance? Michel, j'ai l'intention bien arrêtée de vous revoir, au contraire. Et où voulez-vous qu'on se revoie? Et comment? Bon, ça ne me paraît pas très compliqué. Si vous venez à Paris, inutile d'en parler. Et sinon, Poitiers n'est pas loin de Paris. Marianne, oui, mais... À Paris, il y aura Olivier. Eh bien, il sera tout le temps dans vos jupes? Oh non, oh ça! Alors, la seule chose qui compte, c'est votre désir à vous. Est-ce que vous aurez envie ou est-ce que vous n'aurez pas envie de me revoir? Tout est là. Vous n'aimeriez pas me revoir? Si. Mais vous entendez bien ce que je veux vous dire. Nous revoir, pas en camarade. Je n'ai pas l'intention d'être votre camarade. Ce n'est pas du tout un sentiment de camaraderie que j'ai pour vous. Marianne, j'ai beau être inconsciente, je ne suis pas complètement abrutie, vous savez. Pour des camarades, nous aurions d'ailleurs une drôle de position en ce moment. Vous ne trouvez pas? Elle lève son visage vers lui. Leurs lèvres sont prêtes de se toucher. Michel la tire contre lui et l'embrasse. À cet instant, Pernette sort de sa chambre. Elle regarde Marianne et Michel, se met les mains sur les yeux et s'enfuit avec un cri de bête blessée. Marianne aussitôt se redresse éperdue. Michel, on a crié. Marianne, mon Dieu! Michel, qu'est-ce qu'il y a? Marianne, Pernette! Comment? Elle nous a vus. Mais non. Elle va se tuer. Quoi? Elle va se tuer. Michel, qu'est-ce que vous dites? Marianne, mais je ne vous aime pas, moi! Je ne vous aime pas! Pernette! Au secours! Elle se rue vers l'extérieur, sort en courant et on l'entend crier. Pernette! Pernette! Pernette! Michel qui la suit. Marianne, voyons. Rideau. Deuxième tableau. La même nuit, entre 4 et 5 heures. Les lampes sont restées allumées. Mais par la fenêtre et la porte du fond, grande ouverte, on voit poindre le jour. La scène est vide d'abord. Puis, au bout de quelques secondes, rentrent Olivier, Bernard, Marianne et Francine. Ils paraissent exténués et accablés de désespoir. Marianne se laisse tomber sur le canapé à côté de Francine, puis tout d'un coup s'accroche à elle et sanglote éperdument. Les garçons ne bougent pas. Olivier est assis, les coudes aux genoux, la tête basse. Bernard est à la table, la figure enfouie dans ses bras croisés. À ce moment, on entend des pas et un « Oh, oh !» très proche. Ils se redressent tous. C'est Michel qui arrive, portant Pernette inanimée. Tous, se précipitant. « Pernette, ma chérie, Pernette, mon petit !» Michel qui étend Pernette sur le canapé. « Non, non, elle n'est qu'évanouie, rassurez-vous. » Olivier, vous êtes sûr? Michel. Oui, de l'éther ou de l'alcool, vite. Francine courant. Tout de suite. Marianne, mon Dieu, elle est complètement glacée. Michel, une couverture. Bernard se précipite. Frottez-lui les bras et les mains. Non, pas de coussin, la tête à plat, c'est mieux. Francine revient avec de l'éther et du coton. Olivier, où l'avez-vous trouvée? Michel, près de la carrière, là, à droite. Elle était tombée sur des pierres. Bernard revient avec une couverture qu'on installe aussitôt sur Pernette. Francine, mais nous y avons passé par la carrière. Marianne, il faisait trop noir, on ne voyait rien. Michel, regardez, elle est déjà moins pâle, ça va aller, ça va aller. Olivier, mon vieux, je ne sais pas comment vous dire ça, mais je n'oublierai jamais ce que vous venez de faire. Bernard, moi non plus. Michel, vous êtes fou, voyons. Marianne, elle remue les lèvres. Michel, donnez-moi de l'eau froide et un mouchoir. Là, ça va être fini. Remettez-lui un coussin derrière la tête, elle va se réveiller bien gentiment, vous allez voir. Il se penche sur Pernette. Eh bien, Père Net, eh bien. Père Net ouvre les yeux, regarde tout autour d'elle, puis doucement, elle écarte Michel et appelle. Bernard. Bernard. Oh, oh, merci. Merci, ma cocotte. Père Net le serrant contre elle. Bernard. Elle pousse un cri de douleur, Bernard. Je t'ai fait mal? C'est moi qui t'ai fait mal? Père Net. Non, non, c'est ma jambe. Marianne. Tu es blessé? Michel. Attention, attention. Si elle a une entorse ou la jambe cassée, enlevez-lui sa chaussure seulement. Oui, c'est ça. À Père Net. C'est à la cheville ou à la jambe que vous avez mal, Père Net? Père Net. Aux deux. Bernard. Tu souffres ma zoupinette. Père Net. Ça ne fait rien, ça ne fait rien. Michel. Il y a un médecin dans les environs? Francine. Non. Olivier. À Châtellerault. Michel. Il faut téléphoner. Marianne. Le courant est coupé jusqu'à 8 heures. Michel. Pourquoi? Olivier. C'est un patelin impossible ici. Il y a 2 ans que je dis de nous faire relier à Châtellerault. Bougez pas, je vais aller le chercher. Père Net. Olivier. Non. Francine. Tu ne veux pas qu'Olivier aille chercher le docteur? Père Net. Non. Non. Je ne veux pas qu'il me quitte. Ni lui, ni personne. Marianne. Je t'en prie, mon chéri, sois raisonnable. On ne va pas attendre pendant 4 heures pour faire le nécessaire. Olivier. Voyons, Michel. Attendez. Il y a un moyen de tout arranger. J'y vais, moi. Vous voulez bien que j'y aille, moi, Père Net? Père Net. Merci, Michel. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Je les ai retrouvés. Alors je ne veux pas qu'ils me quittent maintenant. Michel. Je comprends que je comprends. Olivier. Ce que vous êtes chic, vous, alors? Bernard. Super chic. Michel à Père Net. Vous avez mis ma valise dans votre chambre, Père Net. Vous permettez que je la reprenne? Vous vous rappelez? Mon gage. Père Net souriant. Je vous le rends. Michel entrant dans la chambre de Père Net. Le temps de me changer de chemise et je m'envole. Olivier. Ouf, ça va mieux. Quel corrida, mes amis. Bernard. Ils ont quand même eu du nez, les paternels, de rester à Poitiers. Tu te rends compte? Olivier à Bernard. Viens un peu par ici, toi. Bernard, moi? Olivier, oui. Il l'entraîne à part et lui parle à l'oreille. Marianne. Qu'est-ce que c'est que ces cachotteries, vous autres? Francine. Oui, vous trouvez que c'est le moment? Olivier et Bernard ne répondent pas, rient et disparaissent dans la chambre d'Olivier. Marianne. Mais qu'est-ce qu'ils font? Francine. Qu'est-ce que vous faites? Voix de Michel. Qui ça, moi? Francine. Non, Bernard et Olivier. Voix d'Olivier. Nous revenons tout de suite, une seconde. Père Net à Marianne et Francine. Je vous demande pardon. Marianne, c'est moi qui te demande pardon. Père Net, non, non. Je vous ai fait tellement peur à tous et de la peine. Je ne sais pas ce que j'ai eu. Je ne sais plus ce que j'ai eu. Quelque chose comme un coup de soleil. Francine, ne parlons plus de tout ça, veux-tu? Père Net, mais je suis guéri. Et puis c'est pas drôle de mourir. Ah non, merci bien. Marianne, tu n'as pas voulu mourir, tu es tombée. Père Net, Michel vous a dit où il m'avait retrouvé? Francine, près de ta carrière. Père Net, non. Je me suis jeté du grand rocher qui est au-dessus. Marianne, tu as fait ça? Père Net, il y a au moins 3 mètres. C'est pas très haut, 3 mètres, mais on a le temps d'en penser des choses. Vous voyez, j'ai eu de la chance, il y avait un gros tas de feuilles, ça a amorti le choc. Francine, Père Net. Marianne, mon petit, Père Net. Oh, c'est fini à présent. Ça m'est bien égal de m'être cassé la jambe. Vaut mieux avoir mal comme ça qu'autrement. Michel rentrant avec sa valise. Je crois qu'on pourrait peut-être la transporter dans son lit. Qu'est-ce que vous en pensez? Marianne. Oui. Olivier, Bernard. Voix d'Olivier et de Bernard. Voilà, voilà. Francine. Mais qu'est-ce qu'ils font à la fin? Marianne. Venez nous aider, voyons. Michel. Non, non, ce n'est pas la peine. D'ailleurs, nous avons fait un pacte, Père Net et moi. Il n'y a que moi qui ai le droit de la transporter. N'est-ce pas, Père Net? Père Net. Oui. Francine. Allez, oust, au lit. Marianne. Un peu de courage, ma chérie. Père Net. J'en ai du courage. Oh, aïe. Oh, aïe, aïe, Michel. Ce n'est rien, ce n'est rien. C'est fini, mon petit. Là, doucement. Et il rentre dans la chambre de Père Net. Dès qu'ils sont sortis, Olivier et Bernard apparaissent de l'autre côté. Ils sont affublés d'oripeaux rappelant le costume des médecins de Molière. Ils traversent la scène et rentrent chez Père Net en psalmodiant. Clisterium donare, postea seignare, ensuita purgare. On les entend tous rire, voix diverses. Oh! Oh, oh, je ne peux pas rire. Oh, ça me fait mal quand je ris. Les rois des singes, ceux-là, alors. Michel, il sort de chez Père Net. Voilà, je file, mes enfants. Voix d'Olivier. Regardez s'il y a encore de l'essence dans la bagnole. Michel, bon. Voix d'Olivier. S'il n'y en a pas assez, prenez le bidon qui est au garage. Tout est fermé à cette heure-ci. Michel, entendu. Ah, dites-moi, qu'est-ce que je lui dis au docteur? Qu'elle est tombée dans l'escalier, hein? voix des autres. C'est ça, parfait, épatant. Michel, il va pour sortir. Bon Dieu, j'oubliais. Comment est-ce qu'il s'appelle, le toubib ? Francine sortant de la chambre. Bon fils. Le docteur Bonfils, 12 rue Neuve. C'est à côté du marché. Michel, bien. Vous ne savez pas s'il a une voiture, par hasard ? Francine, si, si, il en a une, pourquoi ? Alors je vous dis au revoir, Francine. Je laisserai la vôtre au garage qui est sur la place. Francine, vous ne voulez pas revenir ? Non, je crois que c'est préférable. À tout point de vue. Le rapide de Paris doit passer à Châtellerault vers 6 heures, je le prendrai. Mais pourquoi ? Michel, ne leur dites rien maintenant, ce n'est pas la peine. Et vous, ne m'en veuillez pas trop. Moi ? Oui, vous, ce serait légitime, remarquez. Tout est arrivé par ma faute, on n'a pas idée aussi de tomber du ciel au milieu d'une famille, ce n'est pas prudent. On entend des rires venir de la chambre de Pernette. Francine, vous les entendez ? Michel, oui. La vie continue comme avant, heureusement. Francine, grâce à vous, Michel. Pernette vous a dit ? Oui. Vous voyez bien que c'est à propos de moi, au contraire, qu'elle a bien failli s'interrompre. Non, non, croyez-moi. Le docteur sera là dans 3 quarts d'heure, et dans 1 mois, tout ça sera oublié. Au revoir, Francine. Vous êtes un type très bien, Francine. Vous aussi, Michel. Michel, oh, moi. Disons que ça dépend un peu des circonstances. Adios. Il sort rapidement. Francine le suit des yeux, appuyée de l'épaule à la fenêtre, dos au public. Elle lui fait un signe de la main. Entre Marianne. Marianne, je crois qu'elle va s'endormir. Michel est parti ? Oui. Il sera de retour dans 1 demi-heure. Non. Quoi ? Il ne reviendra pas. Il te l'a dit ? Oui. Pourquoi ? Oh bien, parce que tout ça... Marianne. Ah ? Oh, après tout, il a raison, tu ne trouves pas ? Silence. Marianne vient se mettre à la fenêtre, près de Francine. Elle lui entoure affectueusement les épaules de son bras, et tout d'un coup, elle la retourne et la tourne vers elle. Mais regarde-moi un peu, toi. Qu'est-ce que tu as ? Francine, qu'est-ce que tu as à pleurer comme ça ? Le rideau commence à tomber très lentement. Il n'y a plus de raison pour pleurer à présent. Pourquoi pleures-tu, Francine, ma petite Francine ? Le rideau est tombé. Fin des jours heureux.